Je reste sur mes gardes, j'entretiens mon self-défense, je garde mon self-control. La mort aux trousses, le mort aux dents qui m'étouffe. Cible.